ange sur la terre, chapitre 14. Un trio de grâce. Dans la même soirée, trois jeunes filles, à demi cachées par les fleurs et les plantes grimpantes, se tenaient sur un balcon ouvrant sur le magnifique jardin de la marquise de Alocath. Le dos tourné et les mains appuyées sur la rampe, la plus grande des trois déployait dans cette position toute l'élégance de sa taille et la richesse de ses formes. Une robe en moire antique bleue descendait en plis étoffés jusqu'à terre. Un fichu de dentelle, retenu par une épingle en or émaillée, recouvrait ses épaules. Ses beaux cheveux châtains étaient disposés en bandeaux et sur son front brillait une ferronnière, cet ornement qui sied si bien à une beauté sévère. Vis-à-vis d'elle et appuyée contre la porte du salon, une autre jeune fille, de taille moyenne, changeait si souvent de posture qu'elle semblait avoir du vif argent dans les veines. Blonde, blanche et le teint rosé, choses rares en Andalousie, cette jeune fille semblait une délicate fleur exotique égarée sous ce brûlant climat. De ses charmants yeux bleus s'échappait un regard tout à la fois doux et malin. Sur sa bouche, vermeille comme une fraise, siégeait un sourire perpétuel, reflet de la bonté de son cœur. Elle portait une robe de taffetas vert et sa collerette de gaze était fixée sur sa poitrine par trois nœuds de ruban couleur de rose. Deux longs tire-bouchons à l'anglaise encadraient sa jolie figure. Elle s'appelait Flora de Osorio et était nièce de Don Domingo, l'ami intime de la marquise. Appuyée sur la plateforme et le visage reposant sur l'une de ses mains, la troisième des jeunes filles levait tristement les yeux vers le ciel. Elle portait une robe de percaline lilas et blanc, faite en sac, croisée par devant et retenue à la taille par une lourde cordelière. Sa noire chevelure était tressée en nattes qui passait derrière les oreilles, venait rejoindre un magnifique chignon dont l'abondance et la force dénotaient cependant une nature débile. « Que tu es ingrate envers Martial, reine !» disait la jolie blonde. « Et cependant, c'est un novio comme on n'en voit guère, un novio comme on n'en voit pas, au dire de ma mère, qui, certes, s'y connaît en novios. Et cela, insensible tigresse, pendant qu'il fait des vers en ton honneur, Fabiane me l'a dit. » « Et à sa grande peine, » répondit Reine. « Mais mon enfant, si les vers peuvent prendre les cœurs à l'assaut, le tien est fort en danger, car Fabiane... » « Oui, oui, » interrompit Flora, « Fabiane est pour les vers ce que le mois de Marie est pour les fleurs. Il ne lui coûte pas à produire. » « Il n'en est pas de même de ce pauvre Martial, qui les compose à si grand peine. » Quelle obstination aussi à vouloir cultiver un terrain qui n'a jamais produit que des citrouilles, répliqua Reine d'un air dédaigneux. Martial veut enseigner la géographie, sais-tu? À moi? S'il me fait une semblable proposition, je lui enseignerai le chemin de la porte. Quelle ingratitude, Reine! Moi, Fabiane voulait m'apprendre le français, mais je n'y avais ni goût ni disposition, et pendant tout un mois, nous ne sommes pas sortis de ce mot, punchu, qui veut dire bonjour. Et comme ce punchu me sortait par les yeux, je le priais pour changer de m'apprendre le latin. Car de celui-là, je savais déjà quelque chose, comme dominus vobiscum et sursum corda. Et il te l'a appris, dit Reine en éclatant de rire. Certainement, mais tu vas voir ce qu'a fait le traître. Il m'a pris quelques vers que je retins bien mieux que son punchu, parce que le latin ressemble plus à l'espagnol que le français. Il me dit que ces vers signifiaient « Écoutez, aimez, beaux anges, et tant que durera le monde, vous serez aimés et écoutés. Cela me parut fort joli, quoique je ne le comprisse pas bien. Mais comme il m'en arrive autant, avec bien des vers modernes, je ne crus pas devoir refuser mon suffrage à ceux-ci à cause de ce léger inconvénient. D'autant plus que j'avais déjà entendu une traduction de Lamartine faite par un ami de mon frère et qui me paraissait dans le même style. J'appris donc ces vers et je les récitai comme une perruche, ou plutôt je les déclamai de manière à n'avoir rien à envier à la Matilda Diez, fameuse tragédienne. Lorsqu'un jour mon père me demanda « Que dis-tu donc là, enfant ?» Et moi, aussi fière et aussi contente que le corbeau de la fable à l'éloge de sa jolie voix, j'ouvris mon petit bec et, sur un ton mélancolique, je déclamai mes vers. Ma joie s'éteignit aussi vite que la flamme du gaz quand je vis mon père froncer le sourcil et me dire que c'était sûrement de mon frère que je tenais cette belle poésie. Que de tels vers pouvaient encore se supporter dans la bouche d'un jeune homme, mais qu'ils étaient inconvenants et déplacés dans celle d'une jeune fille bien élevée. Tu juges de ma surprise. Mais mon cher père, lui dis-je, quel est donc le véritable sens de ces paroles que je tenais pour sublimes? Et voici la traduction qu'il m'en fit. Aimez, buvez, chantez, gais écoliers. La vie est courte, il faut en profiter. Tu peux juger de ma colère contre le traître. Le soir même, je lui déclarai que tout était rompu entre nous, et que, pour parler latin, il pouvait se dire « Ite missa est ». Mais il me demanda, en prose et en vers, à mains jointes et avec des regards si mélancoliques, le pardon de sa faute, qu'à la fin je le lui accordai pour me délivrer de ses soupirs qui m'agaçaient les nerfs. « Tu as été trop bonne, » dit Reine en riant, « il fallait le planter là et hériter de mon vivant le cœur de Martial, dont je ne sais que faire. »« Non pas, ma chère, » répliqua Flora. « Je suis maintenant au mieux avec Fabian, et il va m'apprendre le grec. » « Mais Lagrimas, » ajouta-t-elle, en se tournant vers la jeune fille appuyée sur le balcon, « à quoi penses-tu là? Encore un peu plus muette qu'à l'ordinaire. » En entendant prononcer son nom, la jeune fille eut un petit tremblement nerveux et répondit avec douceur. Je regardais ce petit nuage et je me disais que s'il était si rosé, c'est que le soleil avait jeté sur lui un regard qui le faisait rougir, comme le regard d'un roi ferait rougir une bergère. « Ce que j'en augure, moi, » dit Flora, en regardant le rouge nuage, c'est que, si ce petit nuage venait à tomber maintenant, il tomberait sous la forme d'une pluie de couleurs, et que demain matin, toute la nature se réveillerait rouge, à commencer par le Bétis, qui semblerait un fleuve de sang, et à finir par le nez de Martial, qui ressemblerait à une tomate en maturité. Quant à moi, dit Reine, ce que ce nuage me présage, c'est un beau temps pour demain matin. Nuages rouges au couchant, soleil au levant. Et je m'en réjouis, car demain j'ai à sortir pour des emplettes et je veux aller au jubilé, qui n'est rien moins que celui de San Julián. Cette lagrimas, fit observer Flora, vit toujours dans les nuages, comme les étoiles, ou parmi les vents, comme les girouettes, ou dans la mer, comme les perles. Écoute donc, mon enfant, cela dégénère en manie. C'est un reste du délire que te causent les attaques auxquelles tu es sujette. « Cela peut bien être, » répondit Lagrimas. « Non, non, » intervint Reine, « cela provient des violentes émotions qu'elle a éprouvées dans son enfance. C'est une chose certaine. Il faut chercher à la distraire et non pas la brusquer, comme disait la mère au Bon Secours. « Sais-tu bien, Lagrimas, » dit Flora, comprenant l'intention de Reine, que si ce venimeux reptile, qu'on appelle jalousie, pouvait trouver place dans mon cœur, que Fabian appelle le glaçon, le plus glacé du Mont Parnasse, non, du Mont Blanc, je m'embrouille toujours avec tous ces monts, autour desquels il tourne. Je disais donc que si ce reptile révolutionnaire s'introduisait dans mon cœur, ce serait toi qui en serais la cause. Je suis sûre que mon gracieux soupirant deviendrait volontiers le mouchoir qui essuierait ses larmes. Son astre poétique, comme il dit, sympathise beaucoup avec tes visions éthérées. L'autre jour, en m'entendant parler de l'effet que produiraient sur toi le vent et la tempête, il t'a appelé une harpe éolienne. Comme j'ignorais totalement la nature de cet instrument, et que je ne savais pas s'il fallait le classer parmi les castagnettes ou les tambours de basque, il m'en a donné la définition que voici. Les Allemands, qui sont fous de musique, d'idées romanesques et de conceptions fantastiques, ont inventé cet instrument qui participe de ces trois choses. C'est une harpe qu'on place au sommet des tourelles, dans les vieux châteaux féodaux, et qui rend des sons harmonieux lorsque le vent passe au travers de ses cordes. Ce nom de harpe éolienne lui vient d'Éole, le père des vents. Quant à la mère, Fabienne ne m'a pas dit son nom, et j'ai oublié de le lui demander. Vous voyez donc bien, vous qui viviez dans les ténèbres les plus profondes en ce qui concerne l'origine de la harpe éolienne, qu'il peut y avoir quelque profit à fréquenter un étudiant. Mot vide de sens, opina Reine. Un poète, encore pire espèce. Un homme éclairé, moins que rien, répéta Reine d'un ton dédaigneux. Ô Reine, comme tu traites ce pauvre Fabian! Je l'apprécie plus haut que toi. À mes yeux, Fabian est plus qu'un poète et qu'un homme éclairé. Suivant la détestable expression à la mode, c'est un homme instruit. Et comment classes-tu Martial, juge sévère? Martial, au premier rang parmi les importuns, hors ligne parmi les faiseurs d'embarras, au superlatif parmi les entêtés. Et Renaro, parmi les beaux ténébreux. Fort bien, chacun a eu son paquet. Oh, reine, reine, tu te places sur un piédestal bien élevé, et comme le César de la vieille promenade, tu regardes tout le monde du haut de ta grandeur. Mais je te le prédis, tour orgueilleuse, au premier choc, tu tomberas aplatie. Reine poussa un éclat de rire et se mit à chanter. As-tu quelquefois entendu chanter la grimace? Dit Flora. Non, chante-t-elle, je n'en serais pas étonnée. Fabiane vous nomme, elle, la perle, et toi, le diamant. Si le diamant danse, la perle doit chanter. Allons, Lagrimas, chante-nous quelque chose. Je n'ai pas de voix et je ne sais pas chanter. Tu le sais bien, reine. Oui et non, tu n'as pas beaucoup de voix, c'est vrai. Mais elle est douce et mélodieuse. Tu ne sais pas de chansons, mais tu sais d'autres choses qui se chantent. Ne te fais pas prier, nous sommes seuls. Tu ne peux être intimidée. Chante-nous ce que tu chantais au couvent, la tonadilla de la fleur de Lilila. La mélodie en est charmante, et je ferai le second dessus. La douce enfant se mit à chanter, d'une voix faible, mais d'une douceur incomparable, que soutenait la voix pure et vibrante de Reine, les strophes qui se terminent ainsi. Ayez pitié d'eux, car je leur ai pardonné. Il est si doux de pardonner. Quelle expression elle met dans son chant, dit Flora, quand Lagrimas eut fini. C'est que, dit Lagrimas, de toutes les excellences de Dieu, celle que je comprends le mieux, c'est le pardon. Moi, dit Reine, c'est la justice. Et moi, dit Flora, c'est l'aumône. Donner me semble le plaisir des plaisirs, le bonheur des bonheurs. Il se fait tard, dit Reine. Allons-nous à El Duque? Viens-tu, Lagrimas? Je ne voudrais pas y aller. Et pourquoi non, enfant? Je suis fatiguée. Ne la tourmente pas, Reine, ajouta Flora. Le meilleur moyen de plaire aux gens, c'est de leur laisser faire ce qu'ils veulent. Admirable et superbe maxime que je m'efforce, mais vainement, de faire pénétrer dans la tête de ma respectable mère. Que feras-tu ici toute seule? Demanda Reine à Lagrimas. Les nuages rosés ont disparu. Elle comptera les étoiles qui vont briller au ciel, riposta Flora, et s'assurera s'il n'en manque pas quelques-unes à l'appel. Tu vas encore entendre, poursuivit Reine, ce bruit de la mer dans le lointain, qui te trouble si fort. Non, Reine, la mer est aujourd'hui si tranquille que son murmure semble une douce musique. Tu entendras le vent, et tu te figureras, comme toujours, que la nature pousse des gémissements. Non, Reine, le vent est muet et ne fait entendre que de faibles soupirs. Sa voix est douce. Comme la tienne, cher enfant, dit Reine en posant un baiser sur le front de Lagrimas qui appuyait sa tête sur son épaule. Il est gentil, bien gentil, le petit Éole. Il ne dit pas même « Punchu ». C'est un enfant bien élevé, ajouta Flora. Et, passant derrière les deux amis qui se tenaient embrassés, la jeune fille inclina sur leur tête les branches du jasmin qui les couvrit de ses branches fleurs. « Un vrai tableau vivant !» s'écria-t-elle.